soleil, à nous deux, on peut faire des merveilles. Donne-moi de ton soleil pour réchauffer mon cœur. Je ferai tomber du ciel une pluie de bonheur. J'aimerais bien échanger de temps en temps un peu d'hiver contre un peu de ton printemps. Donne-moi le bleu du ciel pour peindre l'océan. Pour gonfler ta caravelle, je te donne du vent. Donne-moi de ton soleil pour réchauffer mes mains. Moi, je te donnerai les ailes de mes moulins. Donne-moi de ton soleil, celui qu'on voit briller. Dès l'instant de ton réveil jusqu'à tes yeux fermés, j'aimerais bien échapper.